Troisième temps de notre série consacrée à la République sociale. Aujourd'hui, la République sociale a-t-elle été précédée par les textes, la République elle-même. Vous le savez, puisque nous allons en parler lundi et que c'est le prétexte à cette série sur la République sociale, se tiennent demain et après-demain à l'École normale supérieure à Paris deux journées autour des modernités républicaines, des journées pendant lesquelles interviendront par exemple l'historien de Cambridge, Quentin Skinner, et les historiens de l'idée républicaine, et en particulier justement de cette école de Cambridge, représentée par Quentin Skinner, considèrent la liberté de l'individu et les vertus civiques comme centrales dans la définition de cet idéal à l'âge des Lumières. Mais n'oublie-t-il pas qu'à cette même époque en France, les écrits de Rousseau, en particulier, propageaient avant même la Révolution l'idée de souveraineté du peuple qui sous-entendait l'égalisation des conditions sociales. La République sociale est-elle donc née avant même 1792 et la République formelle? Comment la Révolution a-t-elle produit avec Gracchus Babeuf un républicanisme radical attaché à la communauté des biens? Rousseau et Mably, au même titre que Robespierre ou Marat, sont-ils trop radicaux pour être comparés aux autres penseurs de la République? Voilà quelques-unes des questions que nous allons poser à nos invités grâce à des textes de cette émission d'archives qui seront lus par Nathalie Canoui et commentés donc par Stéphanie Rosa. Elle est chargée de recherche au CNRS et elle a co-dirigé avec Pierre Crétois aux éditions des publications de la Sorbonne, le républicanisme social, une exception française. Et Marc Bellissa sera également avec nous. Il est maître de conférence à l'Université de Paris-Ouest Nanterre. Il a co-dirigé Républicanisme et droit naturel chez Quimet. Il a participé à Culture du républicanisme, toujours chez Quimet. Il est le co-auteur de Robespierre, la fabrication d'un mythe, avec Yannick Bosque. Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir, succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'anoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne les dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. Un extrait du contrat social de Rousseau en 1762 pour ouvrir cette émission. Bonjour Cyrine Yatta. Bonjour. Bonjour à vous Marc Bellissa. Et bonjour à vous Stéphanie Rosa. Vous avez choisi ce texte et ce texte effectivement on peut le mettre en exergue de cette émission parce qu'il y a déjà dans ce court texte du contrat social beaucoup des choses qui pourront être débattues dans cette émission autour de la République sociale. Oui, alors c'est un texte qui est surtout frappe par son l'aspect républicain, même classique, hein, de ce texte. On le voit dans tout le poids pour Rousseau que et tout le rôle en fait que joue pour Rousseau le passage à l'état social, contrairement à d'autres auteurs précédents qui pensent que l'homme finalement ne doit ses facultés qu'à lui-même et notamment enfin toutes ses compétences, etc. Et donc ne doit rien aux autres pour l'essentiel de la poursuite de ses buts. Le républicanisme de Rousseau considère que l'homme doit énormément à l'état social, que donc il n'est pas compréhensible indépendamment des relations sociales et que donc à son tour il a des devoirs envers la communauté qui sont des devoirs qui sont une espèce de restitution de ce que la société lui donne. Donc il y a un lien entre l'individu et la communauté qui est beaucoup plus fort que chez bien d'autres auteurs. Oui, et donc autour de cette idée républicaine, on pourrait dire, Marc Bellissa, qu'il y a plusieurs façons de voir cette république à l'œuvre et en particulier cette question de la République sociale dans ce 18e siècle qui précède en particulier les révolutions américaines et la Révolution française et qu'il y a effectivement débat chez les historiens des idées, chez les historiens de sciences politiques, les philosophes, etc. et les historiens tout court. Il y a débat pour pouvoir discerner peut-être plusieurs modes d'approche de ce qu'est cette République dans sa dimension plus ou moins sociale, Marc Bellissa. Il y a deux façons de poser la question. Il y a l'approche par les textes, c'est-à-dire se poser la question qu'est-ce que ça veut dire tout simplement être républicain aux alentours de 1789, avant le début de la Révolution. Puis une deuxième approche qui est celle de l'approche historiographique, qui est de se poser la question de savoir si la République telle qu'on la connaît est l'héritière de certains courants, et on pense en particulier au courant de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant le républicanisme classique, qui a été défini notamment par l'historien de Cambridge, hein, vous avez cité tout à l'heure Skinner, mais il y a Pocock avant lui, John Pocock, qui a défini la République ou le républicanisme comme étant l'état social ou le régime dans lequel la liberté qu'il appelle, qu'on pourrait appeler la liberté positive, c'est-à-dire la liberté qui vise à être fondée sur les droits du citoyen et sur l'activité du citoyen. Donc cette république est selon lui un républicanisme classique. Voilà. Mais d'autres approches de la République sont possibles. C'est ce qu'on a essayé de faire notamment dans le collectif dont vous avez parlé, parce que le républicanisme n'est pas seulement classique, il est aussi au XVIIIe siècle retravaillé par les problématiques notamment du droit naturel. C'est justement ce que vous mettez en avant tous les deux, c'est-à-dire cette idée républicaine que déjà évidemment Nicolas avait travaillé, mais qui finalement qu'il instaurait au moment révolutionnaire, hein, avec peut-être des références à l'antique, mais pas entre l'antique et le moment révolutionnaire. Vous faites une analyse, voilà, sur le temps long, hein, c'est-à-dire les anticipations, enfin l'idée républicaine émerge quand, quelle idée, et puis la pluralité des républiques, c'est qu'il y a aussi, vous avez parlé, il y a république sociale, la république radicale, la république classique. Enfin voilà, il y a toutes ces confrontations aussi de points de vue et d'analyse que vous faites tous les deux pour justement montrer que cette république sociale, elle existe bien avant l'idée qu'on s'en fait classiquement. Elle existe. Enfin, nous, ce qu'on a essayé de faire, enfin, dans le collectif sur ce qu'on a appelé l'exception française, quand même avec un point d'interrogation, parce que les choses sont probablement plus compliquées que ça. Mais il nous a semblé que au cours du XVIIIe siècle en France, le courant républicain qui existait avant lui, hein, mais disons subissait une espèce d'inflexion due majoritairement à Rousseau, mais aussi à des gens comme Mably, à des utopistes qui ensuite allaient influencer les révolutionnaires. L'infléchissement, il se faisait autour d'une préoccupation beaucoup plus grande à la question sociale. Et c'est là que il y a vraiment un changement majeur. Jusqu'ici, dans la plupart des textes, même des révolutionnaires anglais du XVIIe siècle, alors on avait dans le combat politique des gens qui avaient mis en avant des questions sociales, mais personne avant disons la deuxième moitié du XVIIIe siècle et notamment avec l'œuvre de Rousseau et de ses épigones discutants, etc., n'avait mis en avant le fait que la souveraineté, elle devait être populaire au sens où l'intégralité des contractants, des membres, des gens qui concluent le pacte social, devaient participer à l'élaboration des lois. Et que même la représentation était un affadissement de la souveraineté populaire. Et ça c'est la rupture, c'est quand même Rousseau, il faut lui reconnaître. Et vous évoquez aussi le nom de Mably. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter Gabriel Bonneau de Mably, dont Nathalie Canoui va nous lire un extrait d'un de ses textes, Les droits et des devoirs du citoyen, qui date de 1758. Qu'est-ce qu'on peut dire de Gabriel Bonneau de Mably et en quoi est-il important pour notre discussion? Alors c'est un penseur qu'on a oublié aujourd'hui parce que notamment il a été associé à Robespierre et à la Terreur par l'historiographie qui a succédé. Mais en fait au XVIIIe siècle c'était un auteur vraiment connu et influent. Et ce qui me semble intéressant chez Mably du point de vue de l'histoire du républicanisme social, c'est que c'est quelqu'un qui avait un idéal politique de communautaire, de communauté des biens, qui pensait que les hommes ne seraient jamais aussi vertueux et aussi heureux que quand ils auraient aboli la propriété privée. Alors je dis ça, en fait, ils pensent que la communauté des biens, elle n'est plus accessible parce que les hommes sont trop corrompus, mais en revanche, ils s'en servent comme d'un modèle vers lequel toute société humaine devrait tendre. Et son républicanisme, il est matiné d'égalitarisme social, encore plus fortement que celui de Rousseau. On écoute un extrait des droits et des devoirs du citoyen. Jamais je ne lis dans les voyageurs la description de quelque île déserte dont le ciel est serein et les eaux salubres qu'il ne me prenne envie d'y aller établir une république où tous égaux, tous riches, tous pauvres, tous libres, tous frères, notre première loi serait de ne rien posséder en propre. Nous porterions dans des magasins communs publics les fruits de nos travaux. Ce serait là le trésor de l'État et le patrimoine de chaque citoyen. Tous les ans, les pères de famille éliraient des économes chargés de distribuer des choses nécessaires aux besoins de chaque particulier, de lui assigner la tâche de travail qu'en exigerait la communauté et d'entretenir les bonnes mœurs dans l'État. Je sais bien qu'on a tendance en France à considérer qu'il y a une exception française. C'est d'ailleurs le sous-titre, vous l'avez dit, Stéphanie Rosa, de ce livre que vous avez coordonné avec Pierre Crétois qui s'appelle « Le républicanisme social, une exception française » en y mettant un point d'interrogation. Mais Marc Bélissa, qu'est-ce qui explique, selon vous, en tant qu'historien, qu'est-ce qui expliquerait qu'il y ait cette voie si particulière, cette voie entre guillemets française du républicanisme, auquel on ajouterait donc il y a déjà la liberté et la vertu qui sont des conditions nécessaires et sine qua non à ce républicanisme selon les penseurs anglo-saxons que sont Quentin Skinner ou Pocock par exemple, auquel on ajouterait cette question de la souveraineté du peuple et par surcroît de l'égalité ou de l'égalitarisme. Bien, sur ce point, je suis peut-être en très léger désaccord avec Stéphanie. Et, vous avez le droit. Voilà. C'est même bien pour une... Non, c'est-à-dire que tout dépend évidemment de ce qu'on appelle la République sociale. Parce que je pense que déjà dès le 17e anglais, quelqu'un comme Harrington pense la République à partir de la société. Hein. Donc ils fondent les institutions républicaines sur une analyse sociale. Et puis il y a tous les diggers, les bêcheurs, comme on dit, hein, dans la République anglaise, qui ont déjà une conception de la République sociale. Je pense qu'il faudrait, il faut revenir très rapidement quand même sur ce que ça veut dire vite fait, le républicanisme. Allez-y. Quand même. La République, c'est la res publica, c'est la chose publique, c'est de cette idée de base que découle l'idée que là où il y a une chose publique, c'est-à-dire là où la politique n'est pas la chose privée des rois, mais la chose publique, donc la République c'est cela, et donc il y a des traditions républicaines, je voudrais revenir sur cette idée de multiple républicanisme. Effectivement, c'est au cœur d'ailleurs de ce colloque modernité républicaine, où on parle aussi bien des républiques italiennes du Moyen-Âge que des républiques suisses ou effectivement de la république liée à la révolution américaine ou à la révolution française. Tout à fait, donc il y a donc cette tradition républicaine, alors qui, d'après Skinner, vient des villes italiennes et passe dans le républicanisme anglais du XVIIe siècle, qui est le républicanisme de ce qu'ils appellent l'État libre. C'est-à-dire qu'un État est libre, à la fois quand il n'est pas sous la domination d'un autre État, mais aussi quand, à l'intérieur d'un même État, chaque citoyen est libre de la domination. C'est-à-dire, c'est la liberté comme non-domination. Et la définition par la souveraineté que vous évoquiez, c'est celle de Montesquieu. C'est-à-dire que on est en République quand le peuple ou une partie du peuple est souverain, par opposition avec la monarchie ou le despotisme, où la souveraineté est détenue par un seul individu. Et donc il y a des variations, évidemment, avec Rousseau, qu'évoquait Stéphanie, avec Mably, et j'ajouterais qu'il y a une autre tradition dans tout cela, c'est celle de Locke, c'est-à-dire la tradition qu'on a présentée comme étant une tradition libérale, qui de fait est une tradition libérale, mais qui est aussi une tradition républicaine. Séverine Niatar. Oui, mais il y a là aussi cette question que vous abordez très bien, Stéphanie Rosa, la question de l'utopie. Là, on l'entend bien dans le texte justement de Mably. Enfin, on est entre guillemets presque dans le collectivisme, et donc cette pensée utopique, en fait, qui provient effectivement, vous le dites déjà, de Rousseau, et dont vont se réapproprier des personnalités comme justement Babeuf, au moment de la Révolution française. Alors il y a deux choses, parce que utopie et communauté des biens, c'est pas forcément toujours lié. Et utopie et républicanisme, ça l'est souvent, mais pour reprendre cher Marc l'exemple de Harrington, c'est quelqu'un qui effectivement au XVIIe siècle produit ce qu'on a pris pour une utopie qui n'était pas vraiment une utopie en fait. Lui, il pensait vraiment que c'était la République qui devait s'établir en Angleterre, mais il relie étroitement citoyenneté et propriété. C'est-à-dire que les citoyens doivent être propriétaires. C'est là où je suis pas tout à fait d'accord avec mon collègue, c'est que pour lui, les non-propriétaires, ils sont pas citoyens. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment un changement au XVIIIe siècle, où Malby dit exactement l'inverse, il dit « on ne devrait plus rien posséder, aucun d'entre nous, et du coup on serait tous des citoyens égaux ». Et c'est la préoccupation qui va devenir très forte au moment de la Révolution française, mais pas au début. Au début, on a plutôt, dans la première période, la constituante, jusqu'à la chute de la monarchie, et même un petit peu après, on a des républicains qui considèrent, qui relient eux aussi, citoyenneté et propriété. Et il faut attendre le suffrage universel, ce sont les sans-culottes qui l'arrachent en faisant tomber la monarchie en août 92. Les premières élections au suffrage universel, c'est après la chute de la monarchie, c'est pour la Convention. On a le courant jacobin, et puis on a Babeuf qui, effectivement, reprend l'utopie de Mably et de quelques autres au XVIIIe siècle pour dire que la République ne sera vraiment une République égalitaire quand il n'y aura plus de propriété. Ce qui est quand même très étonnant et très intéressant, c'est de voir, mais enfin, on l'a déjà noté à de maintes reprises, mais c'est de voir cette sorte d'accélération du temps entre, mettons, 1750 et la fin du XVIIIe siècle par l'intermédiaire des révolutions américaines, mais surtout de la révolution française dans ce domaine. Et on pourrait rajouter au début du XIXe la révolution haïtienne aussi. Cette accélération du temps qui fait que quelques idées produit par quelques penseurs dans des académies en province ou ailleurs qui vont publier dans des concours d'académie des réflexions justement sur cette question de la République vont être reprises et mises en application. C'est ce sur quoi travaille aussi Stéphanie Rosa, Marc Bélissa, c'est-à-dire comment des idées deviennent des actes au bout du compte et comment on va bricoler assez rapidement, entre le début de la Révolution française 1789 et 1792, et puis en un peu plus tard dans la fin de la Révolution, on va bricoler un système, justement, où cette question du social va finir par rentrer dans la Révolution, alors qu'elle était restée peut-être un petit peu à la porte aux origines de la Révolution. Oui, on peut voir ça comme ça, mais dès 1789, la question du social se pose, puisque dans la Constituante, il y a un certain nombre de députés qui refusent l'idée de la séparation entre citoyens propriétaires et non-citoyens, et non-propriétaires non-citoyens. De fait, Robespierre est l'un d'entre eux, puisqu'il refuse la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs, qui est incluse dans la Constitution de 1791. Et on peut même dire, sans doute, que le clivage politique à partir de la fin de 1789, donc le clivage politique majeur au sein de la Constituante, ne passe plus entre monarchistes et républicains, ou ne passe pas entre monarchistes et entre partisans de l'Ancien Régime et partisans du Nouveau Régime, mais elle passe fondamentalement entre partisans d'un suffrage étendu ou d'une citoyenneté étendue et partisans d'une citoyenneté restreinte. Parlez-nous par exemple de ce l'avis contrit sur lequel vous avez travaillé, qui écrit en 1790 du Peuple et des Rois, ou encore de François Robert qui écrit le républicanisme adapté à la France, toujours dans cette année 1790. On n'a pas retenu leur nom, a priori, enfin sauf quand on est spécialiste comme vous de la période. Qui sont-ils et pourquoi est-ce que leur pensée est originale, intéressante sur cette question du républicanisme, Marc Bélissa? Alors, Lavie Contrie ou Robert sont des républicains qui se revendiquent comme républicains, c'est-à-dire qui reprennent le mot de républicain ou la forme. Ce qui n'est pas évident au début de la Révolution française. Ce qui n'est pas évident du tout au début de la Révolution française, parce que se revendiquer républicain, c'est se mettre en contradiction avec la Constitution qui est en train d'être adoptée. Or, cette constitution, elle est monarchique, puisqu'il y a un roi. Mais cette constitution n'est-elle pas aussi républicaine, se demandent les commentateurs. De très nombreux commentateurs considèrent que ce qui fonde le républicanisme, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et non pas la forme républicaine, c'est-à-dire l'absence de roi. Et d'une manière générale, la question de la République n'est pas tellement définie avant 1792 par une question de forme de gouvernement. Qu'il y ait un roi ou pas n'est pas fondamental dans le fait qu'il y ait une république ou pas. Beaucoup de commentateurs considèrent que du moment qu'il y a une déclaration des droits. Du moment qu'il y a une déclaration des droits et un système de pouvoir fondé sur la souveraineté populaire, il y a une république, il y a une res publica. Hein, n'oublions pas que Montesquieu, au milieu du XVIIIe siècle, considérait que l'Angleterre était une sorte de république, puisque le pouvoir royal y était limité. Oui, mais tout de même, au moment où on fera chuter le roi, on fera passer la devise du royaume est un et indivisible, à la devise « La République est une et indivisible ». Il y a bien donc une différence entre les deux. Tout à fait, il y a une différence entre les deux, mais je dirais que cette différence se construit dans le courant de la Révolution française. Un autre extrait de texte lu par Nathalie Canoui, il s'agit d'un extrait des Révolutions de Paris, numéro 68, 22-29 septembre 1792, justement au moment du passage de la royauté à la monarchie à la République. La République est le gouvernement d'un peuple qui fait lui-même ses affaires. Dans ce peu de mots sont contenus vos droits et vos devoirs. Qu'est-ce qu'une République ? C'est le gouvernement où tout le monde est libre, où personne n'est maître, où chaque citoyen a pour sa patrie la même sollicitude qu'un chef de maison porte à sa famille. Qu'est-ce qu'un franc républicain ? C'est un citoyen qui ne voit que des égaux dans ses semblables et qui ne connaît au-dessus de lui que la loi et les organes quand ils sont en fonction. Un bon républicain, conformément à l'esprit de ce mot, est tout à la chose commune, qu'il préfère à tout. Ce n'est point un froid égoïste qui n'appréhende d'autres calamités publiques que celles qu'il atteint. Un extrait des Révolutions de Paris, numéro 68, 22-29 septembre 1792, lu par Nathalie Canoui, Séverine Yatard. Là, on voit bien la définition, justement, du citoyen. Nous devons tous être égaux. Donc, la République sociale, elle s'incarne, voilà, dans cette idée, Stéphanie Rosa. Alors, ce qui est difficile, c'est que souvent, derrière les mêmes formules et les mêmes mots, selon les acteurs politiques, on a des réalités assez différentes. Mmh. Et c'est difficile à lire pour nous, rétrospectivement, et d'analyser à chaque fois ce qui... Les nuances. Par exemple, le mot « peuple », typiquement, il y a des malentendus, parce que pour nous, évidemment, au XXIe siècle, on pense le peuple, c'est tout le monde, quoi. Mais bon, pour eux, d'abord, c'est pas les femmes, pour commencer. Oui. Et puis, c'est pour tout un tas de gens à droite, effectivement, de Robespierre et de plus tard Babeuf, le peuple, c'est les propriétaires. L'abbé Sieyès écrit que seuls les propriétaires sont des citoyens parce que ils sont les actionnaires de la grande entreprise sociale. C'est-à-dire qu'ils mettent une mise financière dans la société, comme si la société était une société par action. Et donc, comme ils mettent la mise, c'est eux qui doivent avoir, comme dans un conseil d'administration, en fait, le droit de décider. Et pour eux, le peuple, pour ces députés de la Constituante, le peuple, c'est les propriétaires. Donc, en fait, là où je rejoins complètement Marc, c'est qu'au cours de la Révolution, la notion de peuple, elle va s'élargir petit à petit. Et prendre une pluralité de définition aussi, peut-être, selon la personne qui la déclame. Alors, ou pas ? Ensuite, ce qui va s'élargir, c'est la notion d'égalité. C'est-à-dire, le peuple égal, est-ce que c'est juste une égalité en droit politique ou est-ce que c'est aussi une égalité de conditions ? Et là, il y a à nouveau tout un débat. Marc Bélissa. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Stéphanie sur la polysémie des termes. Mais il est vrai que certains acteurs utilisent le mot « peuple » dans son sens le plus social. C'est-à-dire, quand Robespierre parle du peuple, il parle du petit peuple. Il dit, dans un certain discours, il dit « nous sommes les sans-culottes, nous sommes la canaille hein, ». Pour bien montrer que lorsqu'il parle du peuple, c'est le petit peuple. Et donc, c'est pas, ça exclut d'une certaine manière les riches. Très récemment, dans une émission de télé, j'ai eu l'occasion de commenter les commentaires que Robespierre avait écrits dans la marge d'un projet de constitution de 1791, où il y avait justement la distinction entre citoyens actifs et passifs, c'est-à-dire citoyens ayant la totalité des droits civiques et ceux qui n'avaient pas la totalité de ces droits. Et dans la marge, Robespierre écrit « on aurait mieux fait d'exclure les millionnaires que les ouvriers ». Car la richesse corrompt plus que la pauvreté. C'est-à-dire que chez Robespierre, dès 1789-90, la République, elle ne peut être que sociale. C'est-à-dire, pour Robespierre, la République, elle est sociale dès le début. Et je dirais qu'après, il va l'assimiler à la démocratie. C'est-à-dire qu'à partir de 1793, Robespierre utilise les termes de République et de démocratie de manière synonyme. Mais est-ce que justement, Robespierre ne reprend pas Rousseau, notamment que vous citez, quand Rousseau dit « il n'y a de république véritable que celle qui est constituée d'hommes libres », bon, certes, que ceux que l'on ne réduit pas socialement à l'état de bête. Donc, sur ce point-là, je pense qu'ils sont parfaitement d'accord, oui. Enfin, dans ce sens-là, il y a la filiation, justement, rousseauiste. Alors, Robespierre, de toute façon, du début jusqu'à la fin de sa carrière, il va se référer à Rousseau comme à sa référence, enfin, sa figure tutélaire, en fait. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans les textes. Après, alors, moi, je pense quand même que Robespierre, il évolue au cours de la Révolution, ce qui est normal. La Révolution est un tel choc, bouleversement... Chambardement. Voilà, que les acteurs eux-mêmes, forcément, n'ont pas les mêmes idées en 89 et en 93. Et il me semble que Robespierre, Marc a tout à fait raison, dès 1789, Robespierre est un des seuls constituants à rentrer vraiment dans une campagne politique pour le suffrage universel. Et vraiment, il faut le souligner, on en fait un tyran sanguinaire, mais c'est quand même le seul, un des seuls, à revenir à moult reprises sur cette question-là jusqu'en 91. Où il n'est plus député, enfin avant de le redevenir, mais je pense que par contre la question sociale au sens vraiment de l'égalité matérielle, c'est quelque chose qu'il découvre au contact et en tout cas au spectacle de l'extraordinaire mobilisation du petit peuple parisien. Et ça, il me semble que les préoccupations sociales occupent une place croissante dans ses discours et dans ses préoccupations. Et justement, un discours de février 1794 sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention nationale dans l'administration intérieure de la République. C'est un discours du 17 pluviose en deux de la République française par Robespierre. Nous voulons un ordre de choses où toutes les passions basses et cruelles soient enchaînées, toutes les passions bienfaisantes et généreuses éveillées par des lois, où l'ambition soit le désir de mériter la gloire et de servir la patrie, où les distinctions ne naissent que de l'égalité même, où le citoyen soit soumis au magistrat, le magistrat au peuple et le peuple à la justice, où la patrie assure le bien-être de chaque individu et où chaque individu jouisse avec orgueil de la prospérité et de la gloire de la patrie, où toutes les âmes s'agrandissent par la communication continuelle des sentiments républicains et par le besoin de mériter l'estime d'un grand peuple, où les arts soient les décorations de la liberté qui les anoblit, le commerce la source de la richesse publique et non pas seulement de l'opulence monstrueuse de quelques maisons. Nous voulons substituer dans notre pays la morale à l'égoïsme, la probité à l'honneur, les principes aux usages, les devoirs aux bienséances, l'empire de la raison à la tyrannie de la mode, le mépris du vice au mépris du malheur, la fierté à l'insolence, la grandeur d'âme à la vanité, l'amour de la gloire à l'amour de l'argent, les bonnes gens à la bonne compagnie, le mérite à l'intrigue, le génie au bel esprit, la vérité à l'éclat, le charme du bonheur aux ennuis de la volupté, la grandeur de l'homme à la petitesse des grands. Un peuple magnanime, puissant, heureux, un peuple aimable, frivole et misérable. C'est-à-dire toutes les vertus et tous les miracles de la République à tous les vices et à tous les ridicules de la monarchie. La démocratie est un état où le peuple souverain, guidé par des lois qui sont son ouvrage, fait par lui-même tout ce qu'il peut bien faire, et par des délégués, tout ce qu'il ne peut faire lui-même. C'est donc dans les principes du gouvernement démocratique que vous devez chercher les règles de votre conduite politique. Tout un programme. Eh oui. Bélissa. En effet, tout un programme. Moi, j'aime beaucoup ce passage avec ces oppositions, hein, l'empire de la raison, la tyrannie de la mode, etc., etc. Ici, évidemment, Robespierre, quand il utilise le mot de vertu, renvoie non pas forcément aux vertus privées, mais renvoie d'abord à la vertu publique, c'est-à-dire la définition donnée par Montesquieu, dont pour lequel la vertu est l'âme des républiques, hein, comme l'honneur est l'âme des monarchies. Donc, de ce point de vue-là, on a ici une influence de Montesquieu qui est très très claire. Donc, cette idée de vertu et de démocratie est directement liée, comme elle est directement liée déjà chez Montesquieu, dans sa typologie des gouvernements. Mais on sait combien encore aujourd'hui dans nos débats publics, par exemple, certains opposent la démocratie à la République. Là, Robespierre, dans ce texte, mêle les deux, la démocratie et la République. On semble, quand on le lit comme cela, semble être, d'une certaine façon, la même chose. Est-ce qu'on peut dire ça, Marc Bélissa? Bah oui, alors dans un autre passage du discours, Robespierre dit « Le seul gouvernement démocratique ou républicain, ces deux mots sont synonymes, malgré les abus du langage vulgaire. » Oui. Voilà, donc pour lui, c'est clairement synonyme. Cela dit, effectivement, il ne disait pas ça en 1789, parce que les enjeux étaient sans doute différents. Mais pour Robespierre, en 93-94, il ne peut y avoir de république que démocratique. Et dans démocratie, il faut entendre aussi égalité. L'égalité, alors, on ne parle pas forcément de la propriété, effectivement, ici, mais c'est très clairement une égalité sociale, puisque ce que recherche ici Robespierre, c'est de mettre un maximum, comme on disait à l'époque, hein, un maximum aux richesses. Oui, c'est cela. Vous expliquez dans un texte qui prélude donc à votre ouvrage collectif que vous avez co-dirigé, Stéphanie Rosa, avec Pierre Crétois, Le républicanisme social, une exception française, qu'il faut réfléchir dans cette question de cette volonté d'égalité, remonter à avant la Révolution française, en particulier à la guerre des farines, à la question qui était la question de l'approvisionnement en farine et en pain d'une grande ville gigantesque comme Paris à l'époque, pour pouvoir comprendre pourquoi cette question de l'égalité, cette question de l'égalité d'accès justement à ces nourritures de base que sont le pain et la farine, c'était justement déjà les prémices peut-être de ce qui sera théoriquement et mis en application pendant la Révolution française. Oui, alors la Révolution française, elle a, fait grandir les espoirs dans l'égalité, parce que la guerre des farines, la revendication populaire, c'est ce que l'historien E.P. Thompson a appelé l'économie morale, c'est-à-dire le fait que certains biens nécessaires à la survie et à la vie de tous soient soustraits aux logiques de marché. Spéculation, etc. Donc et c'est l'idée. Sur quoi travaillait aussi Stephen Kaplan, par exemple. Voilà, c'est vraiment l'idée qu'il faut que le prix du pain, des farines, ne monte pas au-delà de ce que chacun peut acheter pour se nourrir et nourrir sa famille. Mais en fait, Babeuf, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, en fait, lui, qui pendant la Terreur, effectivement, est sous la direction du Comité de salut public, participe à l'immense travail d'organisation publique de distribution, enfin de comment dire, de collecte et de répartition des farines à un prix abordable, ces mesures sociales de la Terreur qui évitent au peuple de mourir de faim en fait, se rend compte que du coup l'État peut faire beaucoup dans l'économie, peut intervenir complètement pour non plus seulement assurer la survie collective, mais assurer l'égalité en tout, dans tous les domaines en fait. Marc Bélissa. Oui, cette question de la politique sociale de la Révolution, il y a un de mes étudiants, je me permets de citer son nom, Aurélien Larnay. Il faut, comment il s'appelle-t-il ? Aurélien Larnay soutient sa thèse très bientôt. Il a travaillé sur la politique sociale de la mairie de Paris en 93-94, donc de la mairie de Pache, et il montre que le comité de salut public est très clairement associé à la commune et aux sections de la ville pour mettre en place cette politique sociale qui touche à la fois les farines, mais aussi les produits de première nécessité, mais aussi la viande, mais aussi le suif, mais aussi les moyens de production, les ateliers, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une véritable, alors, on peut se mettre d'accord sur les termes, mais une véritable socialisation, d'une certaine manière, De l'économie. Enfin, en tout cas, des produits de base, en l'occurrence. Des produits de base, dans cette période. Et donc, plutôt qu'une économie dirigée par l'État, je dirais que c'est une économie, certes dirigée, mais elle est co-dirigée, d'une certaine manière, par les comités de la Convention et les sections et les communes. C'est-à-dire que c'est aussi un gouvernement, entre guillemets, communal. Oui, et donc on pourrait dire aujourd'hui décentralisé, qui descend plus près de la population. Avec la focale, donc une échelle plus petite, justement, pour justement organiser cette politique. Vous savez, à l'époque, les sections de Paris, ça fait beaucoup de monde. Hein. Ouais. Donc c'est pas... On écoute un autre texte que vous avez choisi pour nous, Marc Bélissa, le rapport fait par Billaud-Varenne au nom du Comité de salut public sur un mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire. Nous sommes sous la Convention, le 28 Brumaire en deux, c'est-à-dire le 18 novembre 1793. Nathalie Canouille. Vous qui avez juré de conserver la République, vous qui devez la vouloir parce que le peuple vous l'ordonne, pénétrez-vous bien de cette maxime méconnue jusqu'à ce jour et qui est pourtant le sceau de la liberté. C'est que les lois doivent être plus impératives et plus sévères pour ceux qui gouvernent que pour ceux qui sont gouvernés. Car il ne faut au peuple en masse qu'une impulsion donnée et conforme à l'intérêt de tous, tandis que pour le fonctionnaire public tiré hors de ligne, on doit combiner une direction tout à la fois motrice et compressive. La régénération d'un peuple doit commencer par les hommes les plus en évidence, non pas seulement parce qu'ils doivent l'exemple, mais parce qu'avec des passions plus électrisées, ils forment toujours la classe la moins pure, surtout dans le passage d'un long état de servitude au règne de la liberté. On nous accusa d'être anarchistes. Prouvons que c'est une calomnie, en substituant spontanément l'action des lois révolutionnaires aux oscillations continuelles de tant d'intérêts, de combinaisons de volontés, de passions qui s'entrechoquent et qui déchirent le sein de la patrie. Certes, ce gouvernement ne sera pas la main de fer du despotisme, mais le règne de la justice et de la raison. Ce gouvernement sera terrible pour les conspirateurs, coercitif envers les agents publics, sévère pour leurs prévarications, redoutable aux méchants, protecteur des opprimés, inexorable aux oppresseurs, favorable aux patriotes, bienfaisant pour le peuple. C'est ainsi qu'à l'avenir, tous vos décrets, toutes vos lois n'auront plus d'autre effet que de maintenir la République dans toute son intégrité, que de vivifier la prospérité générale, que de conserver à la Convention toute sa force. Fouille-ouille. Ouais, oui. C'est déjà nous présenter Billaud-Varenne, qui n'est pas non plus très très connu. Billaud-Varenne, c'est un des membres du comité de salut public à ce moment-là. Hein. C'est un député jacobin qui... Proche de Marat, de Robespierre pas tout... Ni proche de Marat, ni proche de Robespierre ouais. D'ailleurs. Personnellement, j'entends. Hein, oui. Relativement proche de Robespierre du point de vue de ce qu'il dit. Cela dit, c'est aussi un de ceux qui vont participer au complot du 9 Thermidor qui a tombé Robespierre. Bah, c'est, ouais. C'est une autre histoire. Moi, ce que je trouve très intéressant dans cet extrait, c'est l'idée que la République, c'est un régime, c'est un gouvernement dans lequel on surveille ceux qui gouvernent. Il y a la vertu publique. La vertu publique, hein, l'amour de l'égalité, hein, implique qu'il ne peut pas exister de République si les gouvernants ne font pas ce que les gouvernés veulent. Et il n'y a pas de République non plus lorsqu'une partie de la société est opprimée par ses dirigeants. C'est-à-dire que l'impératif de vertu publique nécessite le contrôle des élus, à quelque poste qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient députés ou autres, et que sans ce contrôle, il n'y a pas de République, d'après Billaud-Varenne. Je dirais que c'est un des versants de cette République sociale, c'est que c'est l'ensemble de la société qui contrôle les élus, selon Billaud. Stéphanie Rosa. Oui, alors Billaud-Varenne, il est intéressant effectivement pour c'est quelqu'un qui dont l'historienne Françoise Brunel a montré que il était un de ceux qui au comité de salut public avait vraiment un projet de société égalitaire et pas seulement parce qu'on a beaucoup discuté de savoir si les mesures sociales sous la Terreur avaient été des mesures disons de stratégie opportuniste pour rallier le peuple au sens le petit peuple ou si c'était des mesures qui correspondaient à une vision d'ensemble. Et pour Billaud-Varenne, c'est très clair, il s'agit d'une vision d'ensemble. La République, pour lui, elle doit être secourable aux malheureux. Il y a notamment des projets d'aide à la vieillesse, déjà, d'assurance maladie, des choses comme ça. Et ça naît vraiment à ce moment-là. Ça se trouve aussi chez Babeuf, chez des gens comme ça. L'autre aspect que je voulais simplement souligner, c'est qu'effectivement, il y a dans la question de la représentation politique, il y a vraiment deux conceptions sous la Révolution. Et la conception jacobine et babouviste aussi, celle qu'on trouve finalement dans la Constitution de 93 qui n'a jamais été appliquée, mais qui devait l'être après la fin de la guerre contre les puissances européennes, c'était effectivement des mécanismes de contrôle permanent des citoyens sur leurs députés, sur leurs élus. Et ça, quand même, ça fait rêver quand on voit la manière dont aujourd'hui les députés se sentent... Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Moi non plus. D'abord, cette émission n'a rien à voir avec... Du tout pour ça que j'ai choisi ce texte. Cette émission n'a évidemment rien à voir avec le contexte contemporain. Nous parlons d'histoire, on l'a bien compris. Alors, si on avance avec vous, Stéphanie Rosa, parlez-nous de ce Babeuf sur lequel vous avez travaillé au point d'en faire votre thèse, ou d'être vraiment au cœur d'une grande partie de votre thèse, Gracchus Babeuf, dont le nom est connu, mais dont l'action est peut-être moins, arpenteur du côté de la Picardie avant la Révolution française, un autodidacte, inspiré par ses lectures, au fil de ses lectures, pourrait-on dire. Et comment, d'une certaine façon, est-il devenu celui qu'on connaît ensuite, c'est-à-dire celui de la conjuration des égaux pendant le cours de la Révolution française? Comment s'est-il séparé des autres, et en particulier de Robespierre, dont il a été un temps relativement proche, mais pour pouvoir justement peut-être le dépasser encore dans une vision égalitariste de la société? Qui est ce Babeuf et en quoi justement cette importance de Babeuf nous place dans cette longue filiation dont on parle depuis tout à l'heure, de la filiation de Rousseau et de Mably? Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé chez Babeuf, c'était deux aspects. D'abord, c'est le fait qu'il est et qu'on l'a pas bizarrement pas souvent présenté comme ça. C'est un fils de l'utopie des Lumières et notamment de l'utopie de la communauté des biens, de Mably mais d'autres aussi, de Morelli. Vous parlez beaucoup de Morelli, dont je parle pas mal dans ma thèse, enfin dans mon bouquin maintenant. Mais donc c'est quelqu'un qui est attiré par l'idéal de communauté des biens et de vie communautaire dès avant la Révolution, mais que la Révolution va complètement bouleverser et transformer, comme tout le monde en fait. Mais alors lui, l'expérience de la terreur, c'est l'expérience, je le disais tout à l'heure, de l'administration municipale des subsistances. C'est un sans-culotte qui participe aux réquisitions et aux distributions des biens de première nécessité. Et ça, ça donne en fait à son utopie communautaire des fondements politiques et historiques. C'est-à-dire qu'ensuite, l'utopie, dans sa tête à lui, peut devenir programme. Et il est effectivement, de ce point de vue-là, le premier socialiste communiste des temps modernes. Oui, à travers la pratique, en fait, finalement. À travers la pratique. Disons que la pratique révolutionnaire a un effet extraordinaire retour sur sa théorie. Alors juste pour dire un tout petit mot sur son rapport à Robespierre, certes, il finit par s'en séparer au sens où, oui, lui, il veut pas seulement l'égalité, mais il veut carrément abolir la propriété privée, ce que Robespierre ne voulait pas forcément. Mais en revanche, il a un grand sens, un sens aigu de la stratégie, et il est tout à fait pour faire un front commun, en fait, avec les robespierristes, au moment où, après la chute de Robespierre, c'est la réaction bourgeoise thermidorienne et où on revient sur le suffrage universel, on revient sur toutes les mesures sociales. Il a pris, par exemple, chez Mably, l'idée que le droit de vivre serait supérieur au droit de propriété, par exemple. C'est ce que vous expliquez, Stéphanie. Alors ça, c'est, on va dire, la seule constante dans toute sa carrière et son évolution théorique. Je ne sais pas s'il l'a pris chez Mably. Je pense qu'il le prend plus prosaïquement. Il le prend dans l'expérience de la Parce misère. Que de il la, est arpenteur et donc en tant qu'arpenteur, il doit toucher les droits, enfin percevoir en partie et calculer les droits féodaux. En fait, il est feudiste, c'est-à-dire que les nobles le payent sous l'ancien régime pour qu'il aille fouiller dans leurs archives, trouver de nouveaux droits pour continuer à pressurer leurs paysans. Donc en fait, il est aux premières loges de ce qu'il appelle les usurpations de la caste féodale, quoi. Et donc, c'est cette expérience-là, selon vous, qui fait qu'il préfère cette idée du droit de vivre au droit de propriété ? Marc Mélissin. Très rapide. Ouais. Moi, je pense que cette idée que le droit à l'existence est bien plus important que le droit de propriété, ou que le droit de propriété est subordonné au droit à l'existence, c'est quelque chose qui est fort ancien. On peut remonter au Moyen-Âge, évidemment, avec toute une série de théoriciens, et effectivement de pratiques. C'est très clairement des pratiques populaires. Ouais. Hein, de ce point de vue-là, c'est plutôt Rousseau, Mably et tous les autres qui s'inspirent d'une conception politique populaire. C'est plutôt les penseurs qui sont allés chercher dans des conceptions politiques populaires cette conception du droit à l'existence comme premier droit de l'homme. Et au-delà du droit à l'existence, ou compris dans le droit à l'existence, est-ce que justement Babeuf aussi revendique le droit à l'éducation, à la solidarité, ouais, à l'assistance sociale, enfin, repris peut-être justement chez Morelli, dont vous parlez. Enfin, je voudrais quand même dire une chose qu'on n'a pas tellement abordée jusqu'ici, mais Babeuf, c'est un des rares, très rares, féministes de la Révolution, et c'est quelqu'un qui, dès avant la Révolution, dès 1786, revendique le droit des femmes à l'éducation, en disant les femmes, elles sont amoindries, opprimées dans la société. Après, on s'étonne qu'elles peignent pas, qu'elles écrivent pas, qu'elles fassent pas de musique. Mais une société vraiment égalitaire, c'est une société qui pense l'éducation de l'homme et de la femme à part égale. Qu'est-ce que cette conjuration des égaux, dont il est le cœur, pourrait-on dire, et comment intervient-elle dans le cours de la Révolution après la chute de Robespierre, après 1794, justement ? Alors, sur le coup, en fait, c'est quand même, faut le dire, un pitoyable échec, hein, parce que Babeuf et ses camarades essayent de rassembler les débris du mouvement populaire, mais qui est vraiment réprimé très violemment, dans le sang. Hein. On parle beaucoup de la terreur robespierriste, on parle beaucoup moins de la terreur blanche qui a suivi la chute de Robespierre, mais les Jacobins étaient pourchassés, assassinés, voilà. Donc ils essayent avec ses camarades de faire repartir le mouvement populaire et de provoquer une insurrection contre cette république, cette nouvelle république qu'il appelle patricienne, bourgeoise. Et en fait, ils sont trahis, dénoncés, et donc passent en procès. Et puis Babeuf sera exécuté à l'issue du premier grand procès politique de l'histoire moderne, en 1797. Enfin, on peut dire que le procès du roi, c'est un procès politique aussi, on pourrait le dire. Oui, oui, oui. C'est pas le premier. Bien sûr, oui. Non, mais un procès politique, je veux dire collectif. Ouais. C'est vraiment un mouvement politique qui est jugé. Mais ce qui est important, c'est la postérité de ce mouvement-là, parce qu'on en a fait un non-événement chez certains historiens comme François Furet. Mais sauf que cette première tentative, transmise par Philippe Buonarroti, qui est un grand révolutionnaire compagnon de Babeuf aux générations militantes du début du 19e siècle, va rencontrer un écho extraordinaire. Et c'est là-dessus que les militants du 19e siècle vont rebondir pour fonder le mouvement socialiste et ouvrier du 19e. Marc Bélissa, donc on arrive presque pas tout à fait au terme de notre émission, mais bientôt, on est donc parti des idées de Rousseau et des idées de Mably, des idées qui sont pensées avant la Révolution, gauchies par la Révolution, transformées par la Révolution, pour arriver jusqu'à Babeuf et la conjuration des égaux. Oui, en effet, et effectivement, Babeuf connaît différentes phases dans son évolution politique. Incontestablement, il est très très très proche, alors non seulement de Robespierre, mais plus généralement de la politique menée par le Comité de salut public et la Convention pendant 93-94. Moi, ce qui me frappe dans le procès de Babeuf, c'est justement que, alors, les historiens sont partagés là-dessus, parce que Babeuf, dans son procès, pour des raisons tactiques, a cherché à minimiser la conjuration. C'est-à-dire, il a essayé à épargner, en fait, ses complices, entre guillemets. Donc, il a essayé plutôt d'éviter. Donc, il a dit, non, c'est pas une conjuration, c'est rien du tout. On est juste quelques-uns, il n'y a pas de comité secret, etc. Il s'agit d'une tactique, lors du procès. Néanmoins, le procès a duré fort longtemps, et il a fallu l'intervention du grand Carnot, hein, le grand héros de la Troisième République, pour que Babeuf soit bien raccourci. Et effectivement, Babeuf et Buonarroti, surtout, sont les liens, sont le chaînon manquant entre la Révolution et le mouvement socialiste, mais aussi républicain, je dirais, parce que dans les années 1820-1830, ça veut dire la même chose. Bien républicain sûr. Et socialiste, ouais, c'est pareil. Ça, oui. C'est pareil dans les années 1830, jusqu'en 1848, grosso modo. Il faut lire pour ça le livre sur le procès de la liberté, donc qui vient d'être écrit par Michel Rio-Sarcé, en particulier, ouais. Qui explique bien ça. Oui, oui. Alors, il y a tout à fait c'est Buonarroti qui est ce passeur, et le texte fondamental de ce passage, il y a deux textes, c'est la Déclaration des droits de 93 et le discours de Robespierre sur la Constitution, dans lesquels précisément il reproche à la Constitution de faire la part trop belle aux propriétaires. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, alors que vous allez débattre de cela, Stéphanie Rosa, j'imagine, avec les autres participants à partir de demain du colloque Modernité républicaine, sur cet oubli historiographique dont on parlait depuis le début, de cette idée qu'il y avait une dimension sociale dans le républicanisme avant même la Révolution française, et que cette dimension sociale aura été accentuée par certaines, pas toutes, des mesures de la Révolution française. Qu'est-ce que vous dites de ça, puisque vous avez travaillé avec d'autres sur ce républicanisme social et sur cette voie française dont on a parlé depuis le début? Alors, je pense que pour comprendre, alors aujourd'hui, depuis 10-15 ans, les historiens du républicanisme se sont davantage intéressés à cette dimension sociale. Mais c'est vrai qu'à l'origine, des gens comme Pocock surtout, qui ont fondé les études républicaines, enfin qui ont mis en évidence les premiers, cette tradition républicaine de Machiavel au 19e et au 20e siècle, étaient dans une situation, j'ai envie de dire, il y a vraiment des raisons politiques. C'est-à-dire que il s'agissait pour ces historiens-là de montrer que entre le libéralisme incarné, on va dire, par le camp atlantique de la guerre froide et le soviétisme de l'Union soviétique, eh bien, il y avait en quelque sorte une troisième voie, une troisième tradition auquel on pouvait s'intéresser et qui permettait de compléter le tableau. Et du coup, évidemment, il fallait se tenir à distance à la fois du libéralisme et du collectivisme. Donc la tradition républicaine, il la voyait comme cette voie médiane, en tout cas, je pense, pour les premiers, les pionniers de ces études. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont été peu sensibles à la coloration sociale de certaines pensées républicaines. Marc Bélissa. Oui, tout à fait. Je pense aussi en ce qui concerne la France, il y a vraiment un hiatus avec la Révolution de 1848. C'est-à-dire que cette génération précisément de militants républicains qui ont été formés à la clandestinité dans les années, pour dire vite, 1800-1830, ces gens-là disparaissent progressivement et le mouvement républicain se recompose en France sur une autre base, sur le rejet précisément de la République sociale. Parce que ce que dit Quinet au milieu du 19e siècle, ce que disent les républicains comme Gambetta, etc., c'est précisément que la République, elle est certes ouverte à toutes, à tous, mais elle est quand même fondée sur la prééminence de la propriété matérielle. Parce que n'oublions pas que quand les révolutionnaires parlent de propriété, ça ne signifie pas que la propriété des biens. Et je pense que le républicanisme s'est reconstitué en France sur une base qui a tourné le dos très clairement à cette tradition qu'on a évoquée. Mais le socialisme, par contre, Marc, le socialisme, c'est autre chose. Oui, il s'est réapproprié, même s'il y a eu une rupture générationnelle. C'est à la fois approprié cette tradition, et en même temps, il en a rejeté une partie. Oui, et quand on écrit aujourd'hui, comme vous le faites, Marc Bélissa ou Stéphanie Rosa, sur cette République sociale, ça n'est pas non plus anodin, puisque vous dites ceux qui publient dans les années 50, au moment de la guerre froide, et qui sont dans le camp atlantique, donnent une certaine version de la République. Quand vous publiez, vous mettez l'accent sur la République sociale, j'imagine que ça n'est pas non plus anodin. Non, certainement pas. Bien sûr, aujourd'hui... Pourtant, on ne parle pas d'aujourd'hui quand on fait d'histoire. Non, ça. Jamais. L'histoire n'est pas un sujet, n'a pas d'enjeu politique, bien l'histoire sûr. L'histoire n'est jamais contemporaine. C'est bien connu. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde dans le champ politique se revendique de la République. Et bien sûr, il y a un enjeu à rappeler que tout le monde n'a pas la même vision de la République et qui a une vision sociale qui est celle de Jean Jaurès. Jean Jaurès qui est directement l'héritier de toute cette longue tradition, depuis la Révolution française jusqu'au XXe siècle. Et Jaurès dit qu'il se range qu'il s'assoit à côté de Robespierre dans l'histoire socialiste de la Révolution française, mais il fait aussi une grande place à Babeuf. Marc Mélissa. Oui, tout à fait. Alors, on peut dire que le véritable républicanisme au XIXe siècle, c'est effectivement les socialistes. Ce sont finalement les socialistes. Tradition jaurésienne, en effet. Mais je pense aussi qu'on a oublié que cette tradition sociale, elle est aussi libérale. C'est-à-dire qu'on en est venu aujourd'hui à considérer que le mot libéral, est, pour certains d'entre nous en tout cas, est un gros mot. Mably est un libéral, Robespierre est un libéral. Tous ces gens-là fondent leur conception de la République sur la liberté. Mais évidemment, il ne s'agit pas que de la liberté économique. Parce que la liberté du commerce n'est pas la liberté du commerçant. Comme disait Adam Smith, là aussi, lui aussi présenté à tort comme l'ancêtre du libéralisme économique. Adam Smith, dans plusieurs de ses pages, explique que lorsqu'on veut faire une loi au Parlement britannique, par exemple, il ne faut surtout pas écouter les commerçants. Parce que les commerçants défendent leur intérêt, pas l'intérêt public. Merci à vous deux, Marc Bélissa et Stéphanie Rosa, d'avoir présenté avec autant de précision justement ce qu'était cette République sociale avant et pendant la Révolution française. Je rappelle que vous avez co-dirigé Le républicanisme social, une exception française aux publications de la Sorbonne. Votre thèse, on peut la lire maintenant, Stéphanie Rosa ? Oui, elle est publiée au Classique Garnier, c'est comment l'utopie est devenue un programme politique. Voilà, et Marc Bélissa, on peut lire de vous, vous avez co-dirigé Républicanisme et droit naturel chez Quimet, vous avez participé à Culture du républicanisme, toujours chez Quimet, vous êtes le co-auteur de Robespierre, la fabrication d'un mythe avec Yannick Bosque. Et on attend avec impatience l'ouvrage que vous publierez l'année prochaine à La Fabrique, autour du directoire. Merci Séverine Yatta. On va se retrouver demain pour conclure cette série de 4 émissions autour de la République sociale. La mise en place de cette... Le rôle de dans cette idée de République sociale, en tous les cas. Voilà, le rôle de l'école... Et des dissensions à l'intérieur, évidemment. Des républicains. Bien courant, oui, bien sûr. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marsay, Francesca Fossati et Élise Leheu étaient avec nous à la technique et Véronique Salomilov à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.franceculture.fr, participer aux discussions sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire et nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse, c'est Fabrique FC.